On m'a pas mise au monde pour m'enfermer dans une caserne. Indépendante, j'ai dû scier barreau de la cage. Suis ton instinct, mon cœur m'a dit ça en vaut la peine. J'ai fait des rêves, je les ai écrits, je les vis dans la jungle. Jungle, jungle, j'ai laissé sortir les crocs, les félins sont dans le zoo, donc je rugis dans la jungle, jungle. J'ai dû déposer ma rage, j'ai arraché toutes les pages pour demeurer dans la jungle, jungle. J'ai pas écouté les pifs, on m'a dit que j'avais du pif, y'a des raclés dans la jungle, jungle. Ouais, j'suis mouglé dans la jungle, jungle, jungle. On m'a pas mise au monde pour m'étouffer dans la master. Mais pour briller, j'ai dû quitter la zone à la nage. Suis ton instinct comme une lionne, attaque pour les tiens. J'suis révolté comme un canu, personne prend ma place. Jungle, jungle. J'ai laissé sortir les crocs, les félins sont dans le zoo, donc je rugis dans la jungle, jungle. J'me suis entraîné au rap et j'ai provoqué la passe pour avancer dans la jungle, jungle. Je dois protéger la mif, qu'il faut ramener du pif, y'a des raclés dans la jungle, jungle. J'suis Elisa de la jungle, jungle, jungle. Yeah. Quand j'ai plus d'inspi, je repense au trophée. Yeah. J'ai plus de coupe que de vieux dossiers. Hey. T'es mal équipé, ouais, on est trop frais. Yeah. Quand j'ai plus d'inspi, je pense au refrain. Yeah. Les leçons s'apprennent dans la défaite. Ouais. Après l'échec, je suis immaculé. Ouais. Tous mes nœuds dans le ventre se sont défaits. Yeah. Je suis dans ma jungle. On m'a pas mise au monde pour que je fasse de la demeure. Indépendante, j'ai hérité de la force de ma daronne. Suis ton instinct, on ne sait jamais de quoi est fait demain. J'ai de l'ambition et ma passion est à portée de main. Jungle, jungle. Sauvage, sauvage et la jungle. Jungle, jungle. Mais on reste unis sur le terrain. Jungle, jungle. Y'a pas de roi dans ma jungle. Jungle, jungle. Survie dans la jungle, jungle. Dans la jungle, je suis dans la jungle, je suis dans la jungle, je suis dans la jungle, je suis dans la jungle, je suis dans la jungle.